aux morts de 1871, à tous ceux qui, victimes de l'injustice sociale, prirent les armes contre un monde mal fait et formèrent, sous le drapeau de la Commune, la Grande Fédération des Douleurs. Je dédie ce livre. Jules Vallès, Paris, 1885.